Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous continuons ce matin notre évangile de Matthieu. Nous sommes dans le sermon sur la montagne, et nous allons continuer à voir ce que Jésus présente comme le nouveau royaume qui vient installer. L'Église est un royaume. Un royaume a un roi, et un roi a des sujets. Et le roi, ici, présente comment le royaume va être, qu'est-ce que les gens vont faire, comment les gens vont vivre dans ce royaume-là. Donc, nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du ciel, nous sommes heureux et contents d'être dans un royaume. D'avoir un roi parfait. Qui va établir un royaume parfait. Père éternel, quand nous lisons l'Apocalypse, nous voyons l'aboutissement final, complet, de ce royaume. Où tu seras présent toi-même avec tes sujets dans un nouveau monde que tu vas avoir créé. Et ça va être à ta gloire pour l'éternité. Conduis-nous ce matin pour comprendre comment nous devons voir la loi dans le nouveau royaume, de saisir la relation de la loi dans le nouveau royaume. Guide-nous, Seigneur, par ton Esprit Saint. Amen. Nous avons vu hier que dans le royaume, tout se fait pour la gloire de Dieu. Tout se fait pour la gloire de Dieu. Donc, ce... Dans le royaume, les gens sont le sel de la terre. Dans le royaume, les gens sont la lumière du monde. Et ils font leur vie et leurs œuvres afin de glorifier le Père. Et afin que les gens qui les entourent glorifient le Père. Ce matin, nous allons voir comment Jésus s'engendre avec la loi. Pour les Juifs, la loi, c'était la chose la plus importante. Et ils croyaient que la mise en pratique de la loi était pour les faire rentrer dans le royaume. Jésus leur parle ce matin et va les surprendre. Lisons ensemble chapitre 5, verset 17. « Ne croyez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota et un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé petit ou le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui les enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Donc Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi. C'est ce que les pharisiens pensaient, que Jésus venait changer les choses, venait abolir quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Il dit, non, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi. Que veut-il dire par là? Ben, on pourrait vouloir dire qu'il a accompli tous les commandements de la loi. Il a mis en pratique la loi de façon parfaite dans tout ce que Dieu avait demandé à son peuple. Il ne l'a pas juste fait, il l'a bien fait, et toute son âme, tout son cœur, toute sa pensée était bien en ligne avec ce que Dieu avait dit. On pourrait vouloir dire aussi, ou ça peut comprendre ce qu'il lui a dit, la loi était là et elle condamnait le pécheur. Tous ceux qui essayaient de mettre en pratique la loi s'apercevaient bien qu'il manquait à la loi. Ils ne pouvaient pas, ils ne réussissaient pas à la mettre en pratique parfaitement. Et la loi, à cause de ça, les condamnait. Et Dieu avait dit dans l'Ancien Testament, « Si tu mets en pratique la loi, tu vivras. Mais si tu ne la mets pas en pratique, tu mourras. » Donc, Jésus est venu accomplir cela aussi. Il va accomplir la loi parce qu'il va, accomplir ce que la loi exige, que le pécheur meure à cause qu'il ne réussit pas à mettre la loi parfaitement en pratique. Donc, lui va se substituer au pécheur et va mourir pour les pécheurs. Donc, il va accomplir dans ce sens la loi. Il va accomplir aussi la loi et les prophètes, comme il dit, parce qu'il va accomplir les prophéties que les prophètes ont faites par rapport au Messie. Donc, Jésus ne vient pas terminer quelque chose, mais il vient accomplir quelque chose. Il va mettre en pratique la loi d'une façon parfaite, comme Dieu voulait qu'elle s'accomplisse. Il va accomplir les prophéties, toutes les prophéties qui ont été faites par Dieu, par les prophètes. Ensuite, il dit au verset 18, « Car je vous dis la vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, tout ce qui a été écrit dans la loi et les prophètes, ça va être, il n'y a rien qui va disparaître, il n'y a rien qui va être enlevé, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Il faut comprendre, frère et sœur, que la loi, telle que Dieu l'avait donnée, enlignait les gens vers la venue du Messie. La loi n'était pas quelque chose en soi. C'est pour ça que Paul va dire que la loi était un pédagogue, un professeur qui voulait nous faire comprendre la venue du Messie, le bien fondé de Messie, le besoin de Messie pour le peuple de Dieu. Ce que les Juifs ont fait, ce que les religions font, c'est qu'ils se sont arrêtés à la loi, puis essayent de mettre la loi en pratique pour faire partie du royaume de Dieu. Non, Jésus va accomplir la loi afin que le royaume des cieux s'accomplisse, arrive, se mette en place. Donc, cette loi-là doit tout être accomplie. Dit tout doit être arrivé. Donc, ce n'est pas nous, les humains, qui vont faire ça. Nous ne sommes pas capables. Même ceux qui sont dans leur royaume ne sont pas capables de mettre en pratique toute cette loi-là. Donc, ce que Jésus est en train de dire ici, « Moi, je suis venu, non pas pour abolir, mais pour accomplir tout ce qui a été dit. Je vais accomplir tout ce que Dieu a demandé. Et même, en me substituant à vous, je vais mourir parce que la loi vous condamne. Donc, je vais mourir à votre place comme la loi demande. Et je vais accomplir toutes les prophéties qui étaient écrites dans la loi. Donc, il dit au verset 19, « Donc, celui qui supprimera l'un des plus petits commandements et qui enseigne les hommes à faire de même va être le plus petit dans le royaume des cieux. Celui qui enseigne à les mettre en pratique. Celui qui les observe lui-même et qui enseigne à les mettre en pratique la loi, hein, ben il va être appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Et là, c'est pas tout le monde qui comprend ça de la même façon ici. Là, on pense, il y en a qui appliquent ça aux croyants, le chrétien qui est dans le royaume des cieux, qui essaie de mettre en, qui met en pratique la parole de Dieu et qui enseigne les autres à faire de même, bien, il va être plus grand dans le royaume des cieux. Il va avoir une récompense plus grande que les autres. Celui qui n'observe pas la parole de Dieu et qui enseigne les autres à ne pas l'observer, bien, il va être dans le royaume, mais à une place moins belle, moins grande. Va avoir une moins grande récompense. Je ne crois pas que le texte parle de ça ici. Parce que on est obligé de continuer le même principe. Jésus est en train de parler à des gens qui ne sont pas encore dans le royaume des cieux. Ils ne sont pas encore entrés dans le royaume des cieux. Donc, Jésus, il dit, lui, je viens accomplir la loi. Je vais tout l'accomplir. Tout ce que la loi disait dans tout le petit, moins de petits points, moins de petits accents, moins de petites virgules, moi, je vais tout accomplir ça. Jusque la terre ne va pas passer avant que j'aie terminé, que ce soit tout fait. Donc, ce n'est pas les hommes dont on parle ici, je crois. Celui qui va enseigner, qui va changer la loi, qui va transformer la loi, qui va faire abstraction de certaines iotas de la loi. C'est le plus petit. C'est le plus petit. Et là, pour comprendre ce qu'il est en train de vouloir dire, je pense, c'est le verset 20. Car. Là, il dit, le mot « le car » ici, nous amène à comprendre le verset 19. Donc, il dit, les pharisiens changeaient la loi. Et enseignaient les gens à changer la loi. Et Jésus dit, ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Si moi, je change la loi, si j'enseigne les gens à ne pas observer un seul de ces petits, comme faisaient les pharisiens, il dit, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, on est obligé de comprendre que le verset 19 ne parle pas des croyants qui sont déjà dans le royaume des cieux, mais des gens qui sont là, qui veulent changer ce que Dieu, parce que le royaume des cieux, vous comprenez ce que c'est le royaume des cieux, c'est pas une place, c'est une façon d'être, une façon de vivre, c'est que tu vis ta vie sous la direction du roi. Si moi je veux changer quelque chose à ça, je vais être comme les pharisiens et j'entrerai pas dans le royaume des cieux. J'entre pas. Donc, si je suis assis dans la foule, là, et que je pense à ce que Jésus est en train de dire, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je pense? Pense pas comme le chrétien assis dans un banc d'église le dimanche matin, là. Pense comme quelqu'un qui est assis dans la foule sur le mont des Béatitudes. Lui, son rêve, sa façon de vivre, c'est qu'il prend l'interprétation des scribes et des pharisiens qui interprètent pour eux la loi et qui sont des champions de la mise en pratique de la loi. Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle de ces gens-là, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il me semble que moi, la compréhension, c'est, mais qui va pouvoir y rentrer? Qui va pouvoir y rentrer? Si les pharisiens et les scribes ne rentrent pas, qui va pouvoir y rentrer? Ces autres, les champions de leur époque. Ces autres qui interprétaient la loi. Si les juifs et les pharisiens interprètent mal la loi, changent la loi, enlèvent les petits commandements de la loi, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Donc, si moi, je suis les pharisiens, je mets en pratique les choses comme les pharisiens mettaient en pratique. Si j'écoute leur enseignement, j'entrerai pas moi non plus dans le royaume des cieux. Donc, les pharisiens avaient une façon de comprendre la loi et de mettre la loi en pratique qui les empêchait d'entrer dans le royaume des cieux. Pas parce qu'ils étaient plus méchants, pas parce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres. C'est parce que leur compréhension de la loi et leur mise en pratique de la loi les empêchait de se tourner vers le Messie. Il ne faut pas les voir, les pharisiens et les juifs comme étant, les scribes comme étant les gros méchants de la société. Mais non, ils étaient des gens bien ordinaires, puis peut-être même ils auraient été meilleurs que bien d'autres dans leur façon de vivre, entre guillemets. Mais leur façon de comprendre la loi, d'interpréter la loi, de changer la loi, d'enlever certaines petites parties de la loi, mettre de l'emphase sur certaines parties de la loi, les empêchait de se tourner vers le Messie pour que lui accomplisse la loi, comme c'était supposé. Est-ce que vous me suivez là, dans mon raisonnement? La loi était là, donnée par Dieu et les prophètes. Jésus dit, moi je l'accomplis, je suis venu pour l'accomplir, non pas l'abolir. Et je vais accomplir tout ce qu'elle a dit. Il n'y a pas un petit iota que je ne ferai pas, je vais faire tout ce que la loi dit et annonçait et prophétisait. Je vais faire tout ça. Si vous changez quelque chose, si vous enlevez quelque chose, vous changez, vous ne comprendrez pas ce que je suis en train de faire. Vous n'accepterez pas ce que je suis en train de faire. Vous ne verrez pas le bien fondé. Vous ne tournerez pas vers moi pour être sauvé. Vous allez faire comme les pharisiens, comme les scribes, et vous n'entrerez pas jamais dans le royaume des cieux. Donc, c'est pas vous allez avoir une place plus haute ou meilleure dans le royaume des cieux. Vous allez avoir une plus grosse récompense dans le royaume des cieux si vous réussissez à faire plus la loi ou mettre en pratique plus les Écritures dans l'Église. C'est pas ça dont on parle. Parce que c'est bien dit. Si tu fais comme les autres, tu ne rentres pas. Et je ne crois pas ici qu'il faut faire ce lien en pensant que Jésus est en train de dire aux chrétiens, là, plus tu vas la mettre en pratique, plus tu vas être grand. Non, parce qu'il dit « car » au verset 20. « Car » si vous faites comme les pharisiens, si vous pensez que votre mise en pratique de la loi, votre façon de... Vous n'êtes pas dans le royaume, vous ne rentrerez pas dans le royaume. Si je pense que c'est moi qui vais faire ça, je me trompe. Jésus est en train de parler comment faire pour entrer dans le royaume et non pas comment avoir une plus belle place dans le royaume. Donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, quand nous, on lit l'Ancien Testament, nous devons voir, non pas je vais mettre ça en pratique pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux, dans le sens de la loi, mais je vais essayer de comprendre la loi, voir que la loi me préparait à la venue du roi, la venue du Messie roi, et que lui va mettre ça en pratique, et lui va me permettre d'entrer dans le royaume des cieux. Ne soyons pas comme les scribes et les pharisiens. Et on va voir demain, Jésus va continuer à leur expliquer comment les pharisiens comprenaient la mise en pratique et comment Jésus comprend la mise en pratique dans le nouveau royaume qu'il lui tentait d'établir. Notre Père du ciel, béni sois-tu. Béni sois-tu que tu as envoyé le Messie, tu as envoyé ton roi pour qu'il puisse accomplir la loi et les prophètes. Parce que la façon que les pharisiens comprenaient, ça l'empêchait les gens d'entrer dans le royaume des cieux. Ça les empêchait, eux, d'entrer, et ça empêchait ceux qui suivaient et qui comprenaient la mise en pratique de la loi comme eux, d'entrer. Nous devons comprendre la loi comme toi, tu l'as vu. Non pas que nous, on doit l'accomplir pour entrer dans le royaume des cieux, mais qu'on doit croire que toi, tu l'as accompli pour qu'on puisse y entrer. Merci, Seigneur, de nous enlever ce fardeau. Merci de nous envoyer cette pression, cette impossibilité. C'est ce que Pierre a dit. Ne mettons pas sur eux un fardeau qu'on n'est pas été capable de porter nous-mêmes. Donc, Seigneur, merci que tu nous as libérés de ce joug que nous étions incapables de porter, en le portant toi-même pour nous. Gloire à toi, Seigneur. Amen.